C'est ça vous appelez la vie? C'est ça votre vie? Dites-moi, Kezo, c'est ça vous appelez? Je suis en train de vivre, je suis en train de vivre. Je vois rien même, rien. Une plume morte posée sur une feuille morte sans vie. C'est comme Freddy, ton corps qui n'a plus de vie. À quoi c'est la vie si chaque fois faut pleurer? Je me demande pourquoi faut exister. Si chaque fois un frère faut enterrer, je me demande la vie pourquoi faut l'aimer. Freddy, je t'ai pas connu personnellement, mais Kezo m'a dit que tu nous as quittés dans un accident. Je t'ai connu à travers tes couplets et tes mélodies. C'est pourquoi mes rimes je te les dédie. Car là t'accorde le paradis. Je dis juste le paradis. On va tous mourir, c'est chacun à son heure. Et hey Freddy, pour toi arriver vite hein. Kezo c'est un chef, il a stoppé les pleurs. La vie est bizarre quoi. Maintenant que t'es là-bas, c'est là nous te connaît ici. Ça gâtait pas petit bété, t'étais notre frère aussi. On nous a dit que tu kiffais le GB5-0, que ça te faisait rire. Enjaille-toi où que tu sois. Le boulot que t'as laissé, ton grand dos va le finir. On a tous pris rendez-vous avec la mort, mais on ne sait pas où ni le jour. Trop dur de réaliser qu'un proche sera plus là avec nous. C'est toujours avec le cœur en larmes qu'on se souvient de nos disparus. Kezo aurait aimé que tes petits enfants t'aient connu, que tu poses avec Gabatian sur ses instrus. Abata, le destin t'a précipité dans l'au-delà. Prépare studio et scène là-bas. Possible qu'on se rencontre là-bas quand notre tour arrivera. Dans le monde des esprits, tout est calme sans nos sciences à sa prochaine vie. Y'a plus ses gars à tes cas, tout est garde de Benga, Jalgar te garde à l'esprit. On garde du riz et de l'eau pour toi chaque soir. On prie que tu restes une piste à chaque fois. Depuis, au guette, nous on touffe les chars noirs. Ils auraient dû prendre la moto, mais pas toi. Tous les gars qui ont le dit ne croient pas. Qui a dit que la mort était un échappatoire?